Unité 1. Activité 7. 1. Lucille, je n'ai pas ton email. Tu me le donnes? Bien sûr. C'est lucille.baudet@hotmail.fr. J'appelle lucille.baudet@hotmail.fr. Deux. Salut Julien, tu me donnes ton email s'il te plaît? Oui, c'est j-martineau@yahoo.com. Ça s'écrit j-martineau@gmail.com. 3. Madame Abdi, je n'ai pas votre email professionnel. C'est samia-abdi@gmail.com. Ça s'écrit samia-abdi@gmail.com.